Chapitre 4. Les sièges protestants. L'ère moderne s'annonce, les quatre derniers élus et la fin des gloires monastiques, les commendataires, les Huguenots, Montgomery et les Saint-Barthélemy protestantes, la Michelade de Nîmes. Marie d'Estouteville, aventure du sieur de Touchet et de ses faux pèlerins, le capitaine de la Mauricière. 1. Nous voilà qui entrons dans l'ère moderne. Reconnaissez le vestibule de son palais. Écoutez l'heure qui sonne du grand effort de Satan, redressé tout à coup sous le talon de la Mère de Dieu, hors de l'Église et jusque dans l'Église. C'est le fameux XVIe siècle, le siècle des saints suscités pour combattre ces puissants et cruels ennemis qui s'appelèrent Martin Luther, Calvin, Henri Tudor, l'orgueil, le mensonge, la luxure, la haine, le vol, l'ivrognerie, les péchés capitaux, au complet, réunis et enfin devenus réformateurs, qui ouvrent dès lors toutes grandes les portes de la Révolution en habillant de mots hypocrites l'obscénité de leurs vices et de leurs crimes. Notre ère est commencée dans sa lutte, aveugle d'un côté, sublime de l'autre. Ils étaient tous nés les champions des deux étendards, et le guerrier Loyola, boitant de sa blessure, va gravir bientôt la rampe de Montmartre pour fonder, au lieu même où Saint-Denis refusa de sacrifier aux idoles, l'humble et magnifique Compagnie de Jésus, bataillon sacré de l'hostie, épouvante et rage de tous les cœurs malheureux qui essaient de tuer leurs remords en déracinant la croix du Sauveur. À Montmartre, le jésuite fondateur va demander et obtenir du Christ ce mystérieux brevet de vie, la grâce d'être incessamment persécuté dans ses enfants spirituels. Cette robuste et immortelle agonie a été l'étonnement de nos pères et sera l'admiration de nos enfants. C'est bien notre ère. La bataille entamée en ces jours déjà si lointains se poursuit sous nos yeux entre les mêmes champions. Les bourreaux qui se disent martyrs et les martyrs qui souffrent sans se plaindre. Les bourreaux frappent, les martyrs tombent, mais ce sont les martyrs qui vivent, tandis que les bourreaux meurent de leur propre hache. Toujours tyrans, toujours triomphants, toujours esclaves. Nabuchodonosor moderne, cependant, car il y a progrès, n'a plus besoin d'être changé en bête. Il est né tel parce que son père et sa mère, ne connaissant aucun dieu, ne lui ont enseigné aucune foi. Ce n'est pas même un païen. Fier de ses ancêtres quadrumanes qu'il s'est donné dans la risée de sa science, il les imite et se remet à quatre pattes pour laper le suc de la terre dont il s'enivre en appelant ceux que le jeune a pâli des « jouisseurs ». Il croit mentir ainsi effrontément, il dit vrai comme l'Évangile même. Pendant que son orgie fastueuse a faim et soif, il y a une voluptueuse plénitude dans l'abstinence des saints. Nabuchodonosor est en colère à cause de cela, sa débauche est jalouse du jeûne, il calomnie le jeûne tant il l'admire, accroupi sur son tas d'or conquis, il rogne le pauvre petit morceau de pain sec laissé à la sœur de charité. Ah, il a goûté à la persécution, ce tribun qui possède l'appétit de 3 ou 4 Césars, il y a pris plaisir et en redemande. Il jettera bas les églises s'il peut, toutes les églises, il l'a promis, et s'il peut, il fera taire l'immense harmonie des cantiques. Mais ne craignez point, Julien l'apostat et d'autres sont morts à cette tâche impossible. Le Galiléen, lui, ne mourra plus. Il a vaincu, il vaincra, toujours. Comment ? Nul ne le sait. Il a des soldats qui font pitié, mais auxquels rien ne résiste, des faibles, des pauvres, des femmes, des enfants et des simples de toutes sortes et des abandonnés vêtus d'outrage, tels sont les jouisseurs qui, par un permanent prodige, ont terrassé, terrassent et terrasseront toujours César apostat ou Gargantua tribun. Chose étrange, Gargantua et César le savent, puisqu'ils se fatiguent comme Hérode à massacrer les innocents. Mais ils ont beau faire, ce sont peines et crimes perdus. Sous l'engrais même de leur carnage, un atome a été semé. Le grain de sénévé qui germe et grandit certainement, arrosé qu'il est par le sang éternel coulant goutte à goutte de votre généreuse blessure, ô cœur très sacré de mon maître Jésus. L'œuvre de Jésus ne saurait périr, pas plus que l'œuvre de Satan n'est capable de vivre. Chrétien chantait du fond même de l'épreuve, creusait des purifications nécessaires, chantez à l'ange fidèle, à la Vierge Mère, au cœur tout-puissant. Croyez, espérez, aimez, que vos bourreaux, dignes de pitié, vous prennent tout, que la libre pensée enchaîne votre pensée, que la libre lumière vous arrache les yeux, que la libre humanité vous égorge fraternellement. Pardonnez du fond de l'âme à ces délires tremblants qui ne savent pas ce qu'ils font. Ils n'auront rien de vous, je vous l'affirme, sinon votre mort même qui sera leur mort, hélas, leur vraie mort, car ils peuvent mourir tout entiers, eux, c'est là leur religion lamentable, ils seront servis selon leur religion. Vous qui ne pouvez que naître chrétien, heureux fils de Marie, frère de Jésus, enfant des saintes miséricordes, vous naîtrez à genoux pour sauver vos persécuteurs et prier sur leur sépulcre. La prélature honteuse de Robert Jolivet, pendant laquelle le mont Saint-Michel se couvrit de gloire, nous a déjà montré une fois l'abbaye abandonnée, sinon orpheline, et régie en quelque sorte directement par la puissante main de son archange. Les jours vont venir où la funeste institution des abbés commendataires, étrangers à la vie du cloître, fera de cette situation anormale une coutume et presque une loi. Après la mort du cardinal d'Estouteville, le premier de ses supérieurs mondains, le monastère essaya pourtant de ressaisir son antique régularité, et y parvint au moins dans la forme, grâce au crédit de son gouverneur militaire, le comte de Bocchage de Pasternay. Ce gentilhomme, très bien en cour, se trouvait avoir 4 neveux, et tant que durèrent ses neveux, qui tous furent l'un après l'autre abbés du mont Saint-Michel, le monastère conserva un semblant d'élection libre à condition de ne point égarer son choix en dehors des neveux. Cet état de choses était singulièrement misérable. Nous n'avons pas à le nier, et certes, on est forcé d'avouer que les ravages de la Réforme eurent pour prétexte, eurent même pour complice bien des défaillances royales et autres, mais il faut constater avec admiration la ferme piété des moines au milieu de ces circonstances difficiles où tout était tentation. Les faits prêchaient le désordre. Nos religieux se cramponnèrent à l'ordre dans l'imperturbable exercice de la règle bénédictine et sur les 4 abbés fournis si singulièrement par cette sorte de droit dynastique que s'arrogeait la famille de Basternay, il y eut au moins 2 saints hommes. Le premier élu, André-Laure de Versilly, ne fut point de cela. Don Huyne et Don Leroy le représentent comme un de ces supérieurs qui, s'estant fabriqué de bonnes manses, on appelait ainsi le revenu personnel de l'abbé, n'avoit aucun souci de leur cloître. On lui dut pourtant les beaux vitraux des chapelles absidiales qui racontaient en peinture la fondation de ce mont et le sacre des rois de France. Le 28 octobre 1487, Charles VIII fit le pèlerinage du Mont en action de grâce de la victoire de Saint-Aubin du Cormier, où le duc d'Orléans, depuis Louis XII, chef des opposants à la régence d'Anne de Beaujeu, fut fait prisonnier. Anne de Bretagne vint à Paris peu après comme reine de France. André-Laure, qui avait vécu plus de 15 ans hors de son monastère en escolier grand seigneur, revint à son devoir pour mourir et fut enterré dans la basilique sous le champ d'armes des chevaliers. Son cousin Guillaume de Lan lui succéda par élection. La famille du Bocchage de Pasternay se perpétuait dans la capitainerie du Mont, il la fallait ménager pour avoir l'agrément du roi. Guillaume de Lan fut d'ailleurs un des 2 saints abbés dont nous avons parlé. Il résida, pria et travailla, soutenu par le recours à Dieu. Ces 3 mots sont le texte même de sa devise, gravé sur les pièces d'argenterie magnifiques acquises par lui pour le service de l'autel. Il continua le chœur où le grand œuvre du cardinal d'Estouteville fit construire dans le parc un logis avec une chapelle, aujourd'hui disparue, recouvrit la nef de l'église et commença les vastes constructions de l'abbatiale, demeure actuelle des révérends pères missionnaires. Jusqu'à lui, la partie sud du monastère n'offrait, de la baillivorie de Pierre le Roi à l'église, qu'une muraille interrompue par la petite chapelle Sainte-Catherine des Degrés et aboutissant à la tour du Sceau Gautier, palier supérieur des grands degrés qui doit son nom, selon la tradition, à un prisonnier atteint de la manie vertigineuse. Le terrible précipice qui borne la plateforme l'attirait invinciblement. Deux fois il s'y jeta sans trouver la mort, chose assurément extraordinaire. La troisième fois, il fut broyé. Monsieur Leroy de la Marche a publié un texte où il est dit que ce parrain de la plateforme était fou. Ce n'est pas difficile à croire. La partie du chœur ouvrée par Guillaume Delan, et particulièrement le triforium, galerie à jour, riche, gracieuse, fine comme une bordure de dentelle, témoigne d'une admirable habileté de main chez les artistes qui en furent chargés. La lumière y entre par des fenêtres ogivales, ouvertes au fond, accolées deux à deux, et dont les tympans représentent des chœurs embrasés. C'est un des premiers hommages rendus par l'architecture aux cinq heures, qui était chez lui déjà dans la maison de son ange fidèle, à cette heure où n'apparaissait encore aucun symptôme de la vaste et passionnée dévotion qu'il encense aujourd'hui d'un bout à l'autre de l'univers. Un manuscrit de la Bibliothèque nationale renferme le dessin du magnifique tombeau élevé à G. Delan. Par la reconnaissance de ses moines, on y voit sa figure en ronde bosse avec son écusson parti d'argent et de gueules, au lion armé et l'empassé des mêmes de l'un en l'autre, et les plaques de métal où était gravée l'histoire de sa vie. Deux compétiteurs restaient sur les quatre neveux de Basternay, à qui la crosse de Saint-Michel semblait dévolue par droit d'héritage. Jean Delan, frère de Guillaume, et Guérin Laure, son cousin, frère de l'avant-dernier abbé. Guérin, dit Don Luine, prit les devants et envoya en diligence des messagers à Blois, où Estoy Louis XII. Humbert de Basternay le soutint, et sa majesté impétra des lettres de faveur. Ce que valaient de pareilles élections, à quoi bon le dire? Notre ère était commencée. La convoitise des mauvais religieux et l'insouciance des cours désarmaient les forteresses de l'Église. Au moment même où l'hérésie qui contenait en germe la révolution dans ses plus mortels symptômes sortait de terre comme ce dragon des premiers jours dont la gueule pestilente empoisonnait le bon air du ciel et jusqu'à l'eau pure des fontaines. Au lieu de se jeter bravement au devant de l'église menacée par le monstre nouveau, bien plus dangereux que la bête païenne, les champions naturels de l'église, complices naïfs et paresseux, regardez du coin de l'œil ce qu'il pourrait bien choisir dans l'héritage de l'Église. Le côté lugubrement comique de l'histoire est dans ce fait que la Révolution égorgea plus tard cette indifférence sous l'inculpation de fanatisme religieux. Don Huyn nous a conservé la lettre presque gaie où Louis XII force le suffrage des moines de Saint-Michel en faveur de Guérin Laure, qui fut abbé et ne fit rien sinon se promener. Après lui vint tout naturellement le quatrième neveu, Jean Delan. Ce fut le dernier semblant d'élection et aussi le dernier rayon éclairant la chair de Saint-Michel. Dès qu'il fut mort, le règne de ses absents, souvent ennemis, qu'on nommait des abbés commendataires, s'établit définitivement. Il ne resta plus au cœur que Saint-Michel et de simples moines. Ce fut assez, comme nous allons le voir, pour arrêter les soudards huguenots, ivres de leur victoire à la porte du sanctuaire, qu'ils ne franchirent pas plus que les Anglais ne l'avaient fait. L'archange avait l'épée d'enfant qui terrasse les géants. Mais il voulut du moins que le dernier nom inscrit sur la liste des supérieurs réguliers de sa maison fût saint et illustre. Don de Camp, jouant sur le nom des deux frères, Guillaume et Jean Delan, les compare à deux lampes lumineuses qui jetèrent un suprême éclat sur l'autel du vainqueur de Satan. Jean eut l'honneur de terminer le grand œuvre, comme on appelait le cœur de la basilique, commencé sous le cardinal d'Estouteville. La construction de ce splendide morceau dura 71 années, 1450-1521. L'église entière, rebâtie sur ce modèle, selon le rêve du cardinal, eût été assurément une merveille. Nul ne peut regretter cependant que la nef romane, si belle aussi, nous ait été conservée. La construction du chœur du XVe siècle, dit M. Corroyer, a enlevé à l'édifice son unité. Mais par une comparaison des plus intéressantes à faire, et que fait naître le rapprochement des deux parties bien distinctes du même édifice, elle permet d'étudier notre architecture française dans ses manifestations les plus caractéristiques. L'une, la nef, est l'expression de l'art national naissant. L'autre, le chœur, est le produit de cet art arrivé à son plus grand développement. Jean Delan éleva cette portion de la basilique, admirée entre toutes par les visiteurs du Triforium, à la toiture. La conservation, due à la dureté de la pierre et à l'exquise perfection de la main-d'œuvre, en est tout à fait extraordinaire. On dirait un précieux objet d'art gardé sous verre contre les injures du temps. Pas un accroc à ces traceries de granit, pas une blessure à ces sveltes, à ces hautes lianes de pierre qui forment la forêt des nervures et jaillissent du pavé pour s'unir ou croiser à la voûte les mille courbes de leurs harmonieuses et audacieuses projections, semblables à une gerbe d'artifice dont les fusées parallèles rejetteraient toutes en dedans la régularité féerique de leurs paraboles pour saluer à la clé de la voûte l'écusson de France et Saint-Michel victorieux terrassant le dragon. En l'an 1518, François Ier vint voir cela. Après avoir raconté le pèlerinage royal, Don de Camp, parlant de la mort du dernier abbé, élève son style au lyrisme pour dire qu'il ensevelit avec honneur la majesté et splendeur de la dignité abbatiale. Et il adresse un mélancolique adieu aux honneurs et grandeurs inséparables des abbés réguliers, incommunicables aux commendataires. À la mort de Jean de Lan, 1523, le deuil fut grand et sans consolation, car on savait que ce père ne renaîtrait pas dans un successeur. Ses moines l'enterrèrent dans la chapelle Notre-Dame et lui érigèrent une statue, ce qui n'a été accordé à autre que lui, dit encore Don de Camp, et à la vérité est une chose assez remarquable, car si après lui nous n'avons eu aucun abbé portant l'habit de Saint-Benoît, au moins nous pouvons dire qui c'est lui nous est resté, qui le porte jour et nuit. De telles paroles exhalent la tristesse même qui accompagnait les funérailles de ces grandes choses, tombant non point de vieillesse, mais par la malheureuse faiblesse des pouvoirs supérieurs qui auraient dû les sauvegarder pour leur propre salut. Je n'ajouterai rien, ce livre n'a ni le loisir ni la mission d'être sévère. Le manuscrit déjà cité donne un dessin de la statue de Jean de Lan. En 1863, M. Théberge, architecte, découvrit les cercueils des deux frères. On y laissa leurs ossements, mais les habits religieux de ces vénérables abbés sont conservés dans le chartrier du monastère, aujourd'hui transformé en musée. Les moines essayèrent encore une élection et nommèrent l'un d'entre eux René de Marie, I.E. ou de Marie, Y. Mais Jean le Veneur, comte de Lisieux, établit à la cour, selon les manuscrits montois, une brigue dont la puissance fut irrésistible et arracha sa nomination à François Ier par Louise de Savoie, la reine-mère. Après avoir obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire les revenus de la Manse, Jean le Veneur céda la crosse à Jacques d'Annebault, qui n'était point dans les ordres. Sous une pareille prélature, on se demande quelle voix pouvait prêcher aux moines la régularité et la piété. Le pape Paul III déplorait l'état présent des choses, car il ordonne dans sa bulle d'institution que Jacques d'Annebault soit non point commendataire, mais vrai abbé. En effet, selon Don le Roi, à qui il faut pardonner un peu d'amertume en face de ses douleurs, Annebault vint au mont où il comptait faire marcher les moines à sa fantaisie. Mais s'ennuyant bientôt des cloîtres et de vivre ainsi, situé à l'escarpoulette, sur un rocher à la merci de tout vent, il quitta en bref cette façon de vivre pour suivre la cour. C'était un assez grand personnage, maître de la chambre du roi. Il avait, outre le mont Saint-Michel, les abbayes du Bec-et-Loing, de Bonport, de Saint-Aurin-d'Évreux, de Saint-Serge-lès-Angers, etc. Le temps des vrais moines semblait bien fini. Cependant, les pèlerinages reprenaient plus suivis, plus fervents que jamais, comme cela ne manque point d'arriver dans les temps en apparence tranquilles, mais où il y a des menaces dans l'air. Le mont lui-même entendait ces menaces, car on y bâtissait la tour Gabriel qui se voit derrière l'orphelinat et qui reçut son nom de Gabriel Dupuis, sieur de Murinet, auteur également du boulevard et du corps de garde, défendant l'entrée de la place. La loge des chiens et dogues d'Angleterre, chargée de rôder nuitamment autour des murailles, était sous ce corps de garde où l'on en voit la ruine. De grands miracles signalaient les pèlerinages. Celui d'Étiennette l'abbé, la morte qui parla, est restée légendaire. De tous côtés, on annonçait châtiment, misère, malheur, et certes, il y avait lieu, car la foi diminuait dans les châteaux, et le scandale du blasphème de Luther, qui s'était répandu jusque parmi les princes, épouvantait le peuple. Au nombre des pèlerins, dont le roi cite Antoine Duprat, légat du Saint-Siège, et François Ier avec son fils, le duc de Bretagne, 1532, qui mourut peu après. Ce ne sont pas les temps révolutionnaires qui ont fait du Mont-Saint-Michel une prison d'État. À cette époque troublée, où les princes accomplissaient encore des pèlerinages, mais respectaient si peu les droits de l'Église, François Ier aurait pu se rencontrer au Mont avec le syndic de l'Université de Paris, Noël Béda, qui l'y avait fait enfermer. L'évêque d'Avranches, le fameux Robert Sénaud, cité par nous plusieurs fois et qui eut l'honneur d'être injurié si souvent dans les écrits de Calvin, consola la captivité de Béda. Calvin, jouant pesamment sur son nom, l'appelle chien, cyclope et marmiton qu'il faut renvoyer à la cuisine. Notre ère était commencée, c'est de la polémique radicale et c'est de la colère de menteur pris en flagrant délit d'imposture. Le successeur de l'abbé laïque Jacques d'Annebault fut François Leroux d'Anor, secrétaire du roi Henri II et protonotaire apostolique, qui vécut de procès avec ses moines. Il est impossible de penser que ce troupeau sans pasteur n'eût point perdu de sa piété. Les temps devenaient de plus en plus mauvais. Antoine le Cirier, nommé évêque d'Avranches après Robert Sénaud, dont la vaillante foi avait préservé son diocèse de la peste, était au concile de Trente, et le pays, privé de pasteurs, se laissa envahir par l'hérésie. Le branle huguenot avait été donné, c'est triste à dire, par le curé de Villiers, Jacques Guiton, qui abjura publiquement et en fut payé, car le cardinal apostat, Audet de Châtillon, le fit maire de La Rochelle. La réforme religieuse était bien vraiment révolte politique. Deux rois avaient passé, Henri II, mis à mort par la lance courtoise de Montgomery, et François II. C'était Catherine de Médicis qui tenait la régence. Figure intelligente mais étrangère, un peu sceptique, très superstitieuse, et ne regardant pas droit. Les noms d'Italie ne sonnent pas toujours bien dans notre histoire, mais nous ne nous en apercevons plus, habitués que nous sommes depuis quelques années à compter les noms français qui font tache encore par hasard dans les conseils cosmopolites de nos gouvernements. En 1561, Catherine envoya au Mont ses deux fils, Charles IX, âgé de 10 ans, et Henri, qui fut Henri III. C'est le dernier des pèlerinages royaux jusqu'au XVIIIe siècle. Les Huguenots étaient déjà si forts en Basse-Normandie que le chapitre d'Avranches, en la même année, fit transporter à l'abbaye ses chartes, trésors et chasses saintes, comme si les Anglais eussent été encore dans le pays. 2. Il y avait mieux ou pis que les Anglais. Il y avait Gabriel, comte de Montgomery, celui qui avait tué un roi par mégarde. Monsieur Amédée Boudin, qui le peint comme un très beau soldat, dit qu'il n'était bruit à la cour de France que de son habileté dans les joutes. Fâcheuse habileté certainement que celle qui consiste à tuer son roi dans une fête par maladresse. Car aucun historien n'a dit qu'il y eut autre chose que maladresse ou furieux désir de briller dans le fait de Montgomery lors de la passe d'armes où mourut Henri II. Il est des hommes funestes. Montgomery devint traître à Dieu parce qu'il avait mis à mort un roi. En effet, Catherine lui garda rancune pour le meurtre de son mari, ce qui est excusable. Et quand le père de Montgomery mourut, elle s'opposa à son envoi en possession de l'héritage de famille, injustice toute humaine dont Montgomery se vengea en prenant parti contre le ciel. Il abjura en une heure de sauvage colère et sa route fut désormais tracée dans le mal, avec le prince de Condé, Coligny et les deux autres Châtillons, également menés par la haine, il parvint à fonder une manière de république malsaine et dont tous les citoyens étaient des courtisans retournés à l'envers au plein milieu de la monarchie. En 1562, nous le voyons armer à ses frais un navire, l'Espoir du Port, pour faire la guerre aux catholiques que l'emphase de son jargon appelait les ennemis de Dieu. Sur terre, ces myrmidons mettent Coutances à sac. Retranché dans Pontorson, qui était une de ses seigneuries, il se répand comme un fléau sur les abords du Mont-Saint-Michel. Saint-James et Saint-Benoît de Beuvron sont ravagés terriblement, les images des saints sont insultées et brûlées, car l'horreur des saints est le caractère le plus voyant de la Réforme, les vases sacrés sont volés, les ornements brûlés, les tabernacles violés. À Argouges, il y a de lâches massacres. L'abbé de Savigny, entre autres, est attaché à un poteau, comme cela se fait chez les Indiens peaux-rouges, et torturé jusqu'à la mort avec une savante lenteur. Ah, notre ère était commencée. Avranches, que la trahison a livré, devient la proie des plus honteuses saturnales, et les carnages en arrivent à ce point que les cahiers de doléances présentés à Blois par les notables de l'Avranchin portent le nombre des massacrés à 14 000 dans le seul diocèse d'Avranches. Il y eut un répit parce que les protestants de Rouen appelèrent Montgomery à leur secours contre Matignon, envoyé enfin par le roi. Montgomery soutint le siège, puis se sauva sur l'Espoir du Port. Matignon et le duc d'Étampes reprirent Avranches et même Pontorson, ce repère, mais les garnisons qu'ils y laissèrent n'étaient point suffisantes, car aussitôt après leur départ, Montgomery, sortant de terre, enleva Avranches et s'attaqua au Mont-Saint-Michel. C'était le dragon même qui montrait les dents à l'archange. Les moines orphelins s'émurent grandement. Ils avaient perdu de leur piété sous tant de mauvais abbés, mais il y a dans ce sanctuaire un vent surnaturel qui souffle la ferveur. Ils jurèrent pénitence autour des reliques exhibées de leur protecteur Saint-Aubert et devant la châsse où était le voile écarlate apporté du mont Gargan. En outre, Pierre Toustin, prieur de Villameur, mit entre les mains d'un ange d'argent le fragment de marbre sanctifié par l'apparition de l'archange, et en face de ces sacrés témoignages, la petite garnison de la forteresse fut bénie au pied de l'autel. C'était encore un bouchage de Basse-Ternay qui commandait au mont. Il paraîtrait que la vaillance de cette poignée de combattants suppléa à la faiblesse de leur nombre, car Montgomery mit en usage tour à tour la ruse et la force ouverte. Ni l'une ni l'autre ne lui réussit. Après plusieurs assauts où il fut toujours repoussé, il dut se retirer et s'en vengea par de nouveaux et cruels ravages exercés dans l'Avranchin. Il recevait d'Angleterre des hommes, de l'artillerie, des munitions et de l'argent. Ce fut là, dans tous les temps, la tactique favorite de nos voisins qui aiment entre toutes cette façon de combattre. Grâce à leur secours, Montgomery établit son terrible régime protestant dans presque toute la province. Il avait avec lui Théodore de Bèze, qui prêchait sur l'utilité de l'argent. Ses ouailles n'avaient pas besoin de cela. Montgomery en pillait partout. Ce Théodore de Bèze, un des prophètes les plus vénérés des 1000 sectes qui composent l'Église protestante, disait aussi « Le dogme diabolique, c'est la liberté de conscience ». Le nombre des naïfs qui croient encore au libéralisme révolutionnaire diminue de jour en jour. La première guerre civile allumée par les Huguenots fit relâche après la pacification dite d'Amboise, qui donna des garanties inespérées aux réformés. Il est curieux de lire dans la correspondance du duc d'Albe ce qu'il pensait de Catherine et de Charles IX à la suite de la fameuse entrevue de Bayonne où la Saint-Barthélemy fut préméditée, selon certains écrivains. le duc d'Albe s'y plaint tout au contraire de la partialité de la reine-mère et du roi envers les révoltés. C'était le sentiment de la France même et de l'Europe, et l'histoire générale montre la cour sans cesse indécise, harcelée, épouvantée des crimes de la réforme, mais penchant toujours vers les plus extrêmes concessions. Et ce fut cette partialité même de la cour envers les Huguenots qui exaspéra les multitudes catholiques. On ne doit pas oublier qu'il y avait eu, avant la nuit très funeste du 24 août 1572, beaucoup de Saint-Barthélemy protestantes, car la réforme, organisée en société secrète, de l'aveu même de ses écrivains, se levait comme un seul homme à l'heure du mot d'ordre et frappait ses coups avec un ensemble formidable. Nous venons de voir une de ces Saint-Barthélemy hérétiques dans l'Avranchin. Il y en eut 20 autres et davantage. Il n'en pouvait être différemment puisque la doctrine nouvelle prêchée dans toute la France poussait au meurtre avec une franchise que nos journaux avancés peuvent imiter mais non point surpasser. Notre ère était commencée. La réforme nous menait précisément là où nous sommes, et les audaces de nos énergumènes actuels étaient déjà des lieux communs sous Charles IX. Le manifeste des calvinistes pour la révolte d'Amboise s'écriait, mémoire de Condé, « Il faut passer par les armes tous ceux qui enseignent la religion catholique ». Calvin lui-même ajoutait, « Il faut cracher sur la face des rois catholiques ». Et le même Calvin, « Il faut tuer les jésuites », ou si cela ne se peut faire commodément, les écraser sous le mensonge et la calomnie. Calvin appelait Luther un furieux, Luther appelait Calvin un misérable. Ils avaient raison tous les deux, comme ces chefs d'emploi de notre présente comédie politique qui échangeaient naguère des aménités analogues. Leurs extravagantes prédications en provoquant ces Saint-Barthélemy protestantes qui baignèrent dans le sang des centaines de villes françaises amenèrent la Saint-Barthélemy catholique qui n'en fut que la très horrible et très sanglante revanche. Il n'y avait point là préméditation, il y avait provocation d'un côté, explosion de l'autre, le sang appelait le sang. L'effronterie dépassait toute borne. Condé se faisait appeler Louis XIII. Coligny, que le roi aimait tant, le laissait menacer publiquement par son pardaillant en plein Louvre. Poltrot de Méré, dont le même Coligny n'était pas formellement le complice, c'est tout ce qu'on peut dire, avait tué Guise, l'idole de la population catholique. Tout Paris savait que le roi n'avait échappé que par miracle au guet-apens de Meaux. La boue chaude de la Michelade n'avait eu le temps de refroidir ni à Nîmes où le massacre fut hideux, ni dans les 50 autres villes qu'un historien protestant dit avoir été les victimes du même complot. En vérité, tout en déplorant du fond de l'âme ce grand deuil de la Saint-Barthélemy, on est bien forcé de le dire, il y avait assez de catholiques en France, comme la Ligue devait le prouver sous peu, pour qu'ils se comptassent à la fin et que, s'étant comptés, peuple, gentilshommes, reines et rois, l'excès de leur colère, ou peut-être de leur terreur, fit naître en eux la pensée de mettre fin à la violence par la violence. Les deux parties, personne ne le nie plus, avaient le fer en main l'un contre l'autre. La question entre eux était à qui frapperait le premier. L'Italienne eut peur, elle frappa. Aucun contre-coup de cette lugubre nuit ne se fit sentir autour du Mont-Saint-Michel. Il faut croire qu'on y jouissait alors d'une certaine tranquillité, car Don de Camp place à la même date le récit d'une tragicomique bataille qui peint énergiquement le trouble intérieur apporté dans les monastères par l'institution des abbés non soumise à la loi de résidence. Dans l'anecdote de Don de Camp, on voit le commendataire Leroux d'Anor céder sa commande à Arthur de Cossé, qui aussitôt arrive au mont avec un orfèvre pour choisir dans le trésor les objets les plus précieux. Malheureusement pour lui, Jean de Grimouville, bon gentilhomme aussi et prieur claustral, n'était point d'humeur à le laisser faire. Arthur de Cossé, de son côté, tint bon. Avec son orfèvre, dit le continuateur de Don Huyn, il avoit fait marcher pour la belle crosse à 10 000 escus et d'un grand calice d'or et de plusieurs autres choses. Le prieur claustral s'opposa aux intentions de ce loup ravissant sous le nom de pasteur. Par respect, Nous ne raconterons point la scène telle que la donne tout au long Don de Caen. Un procès s'ensuivit, le commendataire fut condamné à restituer les objets enlevés, et le prieur trop leste de main dut se soumettre à une réélection, bien que sa charge fût à vie. Les moines le renommèrent à l'unanimité. L'accalmie ne fut pas longue autour du mont. La guerre venait pour tout de bon, puisque la ligue allait naître. Charles IX était mort, laissant le trône à Henri III, et Montgomery, fait prisonnier à Domfront, avait eu la tête tranchée en place de Grève. La sentence qui le condamnait déclarait ses enfants vilains et intestables. En écoutant l'arrêt, il dit « Soit, s'ils ne sont pas assez forts pour se relever, qu'ils restent à terre. » Montgomery est le barbe bleue de l'Avranchin, quoiqu'il eût saccagé et ruiné d'autres pays, notamment le Béarn. Ses repères en Normandie étaient Pontorson, Saint-Jean-le-Thomas et Tombelaine, où il faisait battre monnaie. La légende dit qu'il fit creuser un souterrain pour passer sous les grèves et s'embarquer à volonté. Ses chevaux étaient ferrés d'or et à rebours, de sorte qu'il allait là d'où l'on pensait qu'il venait en suivant sa trace. Les trésors immenses produits de ces pillages sont cachés, dit encore la tradition des matelots et pêcheurs, dans les infractuosités des roches de Carol, et Domfront est toujours ville de malheur. Son fils Jacques recueillit au pied de l'échafaud sa dernière parole de menace, et nous le retrouverons digne de lui. Depuis 1560, l'illustre maison des Stouteville, qui avait donné de si vaillants défenseurs au Mont-Saint-Michel, était éteinte dans ses malles et restait représentée uniquement par la princesse Marie, veuve en première noce de Jean de Bourbon, en seconde noce de François de Clèves, et mariée pour la troisième fois à 24 ans à Léonore d'Orléans, duc de Longueville, comte de Dunois. Elle aussi était digne de ses pères. C'était 4 ans après la Saint-Barthélemy, et la Ligue, glorieusement légitime en son principe, mais que devaient enfiévrer bientôt les mauvaises passions déchaînées, entamait la plus terrible de toutes les guerres civiles de ce siècle. Les enfants de cette race d'Estouteville suçaient avec le lait le dévouement à l'archange fidèle. Un jour de la fin de mai, en cette année 1576, un nombreux cortège fut signalé venant de Pontorson. Les sentinelles y comptèrent plus de 300 personnes, et Jean de Grimouville, averti, fit prendre les armes à la garde de Saint-Michel, car il craignait une surprise. Mais c'était au contraire un secours qui venait. Marie et sa suite, où il y avait nombre d'hommes d'armes, accomplirent dévotement leur pèlerinage, et quand la dernière descendante des Estouteville repartit le 18 juin suivant, jour de Saint-Aubert, sa suite se déroulait moins longue sur les grèves, car elle en avait laissé partie au mont. Assez de gendarmes pour former toute une garnison catholique, il était temps, les Huguenots entraient justement en campagne. La bibliothèque du Mont possédait autrefois 3 récits contemporains des faits de guerre qui vont suivre. Le premier par Jean le Mancel, prestre séculier, secrétaire du chapitre et maître des novices, qui eut le col à demi coupé lors de la première surprise menée par le sieur de Touchet. Le second est un anonyme qui publia le vrai discours de la surprise et reprise du Mont-Saint-Michel, livret très rare. Le troisième est le poème de Jean de Vittel, écrit pour immortaliser le nom deux fois cher aux catholiques du héros de la Ligue en Basse-Normandie, Louis de la Mauricière. Nous allons voir que le titre de sa petite épopée, La prise du Mont-Saint-Michel, est une ironie. Il n'y eut de prix que les preneurs. Le jour de la Madeleine, 22 juillet 1577, presque tous les gens du Mont, religieux et habitants de la petite ville, étaient allés en procession à la chapelle de la Rive, près d'Ardevon, dès le lever du jour. À 7 heures du matin, plusieurs petits groupes de pèlerins, conduits par les guides de la Grève et semblant venir de loin, demandèrent à faire leur dévotion à Monseigneur Saint-Michel. Les gardiens de la porte n'eurent point de défiance, ils exigèrent seulement le dépôt des armes apparentes, comme c'était la règle, et laissèrent entrer. Les pèlerins avaient bon appétit et semblaient joyeux peuple. ils déjeunèrent gaiement à l'hôtellerie de la Teste Noire, payèrent et firent la monnoie pour le prix d'une messe chantée au grand hôtel. On prévint les pères restant au chœur, et la messe célébrée à 9 heures fut entendue très dévotement. Après quoi les pèlerins, comme de juste, souhaitèrent de voir les reliques et curiosités. Pendant qu'on satisfaisait leur désir, une voix cria du couloir menant au cloître « C'est à ce coup, à mort, tue, tue !» Et les prétendus pèlerins, soudain armés de bidets et de dagues, obéissant à cette voix qui appartenait à leur chef, un certain Duménil, officier de la compagnie huguenote du sieur de Touchet, de Domfront, se jettent sur les religieux dans le cœur même de la basilique en répétant « Tue, tue !» Le peu de religieux qui étaient là et les quelques servants ne s'attendaient guère à cette traîtrise sacrilège. Ils sont frappés, tous à la fois. Le sanctuaire s'emplit d'explosions, de hurlements et de fumées. Le sang coule de tous côtés. Le prêtre qui vient de chanter la messe est poignardé à la poitrine et à la joue. Le lieutenant de la place, père Contal, pra-Contal, vieillard à barbe blanche qui accourait au bruit, est terrassé et garrotté, et l'on force Don Robert de Romilly, gardien des clés, le bidet sous la gorge, de les livrer toutes. Les vainqueurs, alors, sortent de l'église, se répandent sur le Sogotier, attaquent, tuent ou blessent les rares défenseurs du corps de garde et crient « Ville gagnée !» Il ne restait plus qu'à prévenir le sieur de Touchet qui attendait à portée de vue avec le surplus de ses huguenots. 3 des faux pèlerins descendirent sur les remparts pour faire les signaux convenus en cas de victoire. De Touchet vit et traversa la grève à bride abattue, mais ceux de la ville qui n'étaient point à la procession d'Ardevon n'avaient pas été sans ouïr le tumulte qui se faisait au monastère, et les étranges pèlerins, agitant leurs écharpes sur les remparts, leur mirent martel en tête. Quand ils virent par surcroît le sieur de Touchet et sa cavalerie accourir ventre à terre, tout le monde, hommes et femmes, se porta au pont qui fut relevé et la herse baissée. Une 12 de vieilles arquebuses garnirent en même temps le parapet. Les choses se gâtaient, Saint-Michel ne voulait pas encore de cette fois laisser faire le diable. Le sieur de Touchet, ainsi accueilli, dut tourner bride, mais en tournant bride, il aperçut dans la direction d'Avranches une autre troupe de cavaliers dont le galop dévorait les sables. Il pressa le pas, non point à leur rencontre, et se sauva du plus vite qu'il put. Pendant cela, nos faux pèlerins étaient les vainqueurs les plus embarrassés du monde. Du haut des remparts, ils voyaient très bien la déroute de leur capitaine et l'arrivée d'une autre bannière qu'ils ne connaissaient que trop pour appartenir à ce chevaleresque et redoutable champion de la vraie foi, Louis de la Mauricière, seigneur de Vic, enseigne de Matignon. Ils avaient été braves contre des moines désarmés. En face de soldats, ils essayèrent de s'enfuir, mais, égarés bientôt dans le dédale de ces galeries inconnues, ils furent faits prisonniers piteusement par des valets et des blessés, ceux-là même qu'ils avaient à demi assassinés tout à l'heure. Il n'y avait rien que de très naturel dans l'arrivée de la Mauricière, venant si fort à point. Il se trouvait en ce moment à son château, de l'île Manière, auprès d'Avranches, où un paysan était venu lui dénoncer la présence du sieur de Touchet en embuscade dans un bois à 1 ou 2 lieues du mont avec des cavaliers. La Mauricière prit 25 chevaux à Avranches, et comme il redescendait en grève, il vit les huguenots en retraite. Il n'eut qu'à se présenter, les faux pèlerins savaient jouer du couteau, mais ils jetèrent leurs épées. La Mauricière aurait voulu les épargner, il n'était pas le maître. Son chef, le lieutenant-général, depuis maréchal de Matignon, arriva dans la nuit du 22 au 23. C'était le même généreux soldat qui avait demandé la grâce de Montgomery à Domfront et refusé d'accomplir la consigne de la Saint-Barthélemy. Et néanmoins, il fit trancher la tête des 3 principaux assassins, ceux qui avaient versé du sang de prêtre sur les marches mêmes de l'autel.